la gêne, j'ai qu'à me casser. Bonne qui s'accroît le passé. Moi, joignons dans mi, tous ton ton l'angomi. La nuit, nous pour une jamie, passe à dormir. Nous mettre jouer, nous mettre croiser, nous mettre briser. Le corps qu'a chanté, n'a fait qu'à danser. L'amour, c'est flamme. J'aime casser, qu'on qui s'accroît le passé. Quoi?